Ange Pitou par Alexandre Dumas. Tome 1er, chapitre 1er, où le lecteur fera connaissance avec le héros de cette histoire et avec le pays où il a vu le jour. La frontière de la Picardie et du Soissonnais, sur cette portion du territoire national qui faisait partie sous le nom d'Île-de-France du vieux patrimoine de nos rois, au milieu d'un immense croissant que forme en s'allongeant au nord et au midi une forêt de 50 000 arpents, s'élève, perdue dans l'ombre d'un immense parc planté par François Ier et Henri II, la petite ville de Villers-Cotterêts, célèbre pour avoir donné naissance à Charles-Albert de Moustier, lequel, à l'époque où commence cette histoire, y écrivait à la satisfaction des jolies femmes du temps, qui se les arrachaient au fur et à mesure qu'elles voyaient le jour, ses lettres à Émilie sur la mythologie. Ajoutons, pour compléter la réputation poétique de cette petite ville, à laquelle ses détracteurs s'obstinent, malgré son château royal et ses 2400 habitants, à donner le nom de bourg, ajoutons, disons-nous, pour compléter sa réputation poétique, qu'elle est située à 2 lieues de La Ferté-Milon, où naquit Racine, et à 8 lieues de Château-Thierry, où naquit La Fontaine. Consignons de plus que la mère de l'auteur de Britannicus et d'Athalie était de Villers-Cotterêts. Revenons à son château royal et à ses 2400 habitants. Ce château royal, commencé par François Ier, dont il garde les salamandres, et achevé par Henri II, dont il porte le chiffre enlacé à celui de Catherine de Médicis, et encerclé par les 3 croissants de Diane de Poitiers, après avoir abrité les amours du roi chevalier avec Madame d'Étampes et celle de Louis-Philippe d'Orléans, avec la belle Madame de Montesson, était à peu près inhabité depuis la mort de ce dernier prince, son fils Philippe d'Orléans, nommé depuis Égalité, l'ayant fait descendre du rang de résidence princière à celui de simple rendez-vous de chasse. On sait que le château et la forêt de Villers-Cotterêts faisaient partie des apanages donnés par Louis XIV à son frère, monsieur, lorsque le second fils d'Anne d'Autriche épousa la sœur du roi Charles II, Madame Henriette d'Angleterre. Quant aux 2400 habitants dont nous avons promis à nos lecteurs de leur dire un mot, c'était, comme dans toutes les localités où se trouvent réunis 2400 individus, une réunion, premièrement, de quelques nobles qui passaient leur été dans les châteaux environnants et leur hiver à Paris et qui, pour Saint-Jean-le-Prince, n'avaient qu'un pied à terre à la ville. Deuxièmement, de bon nombre de bourgeois qu'on voyait, quelque temps qu'il fît, sortir de leur maison, un parapluie à la main, pour aller faire, après dîner, leur promenade quotidienne, promenade régulièrement bornée à un large fossé séparant le parc de la forêt, situé à 1/4 lieue de la ville, et qu'on appelait sans doute, à cause de l'exclamation que ça vu tirer des poitrines asthmatiques, satisfaites d'avoir, sans être trop essoufflées, parcouru un si long chemin, le ha-ha. D'une majorité d'artisans travaillant toute la semaine et ne se permettant que le dimanche la promenade dont leurs compatriotes, plus favorisés qu'eux par la fortune, jouissaient tous les jours. Quatrièmement, et enfin, de quelques misérables prolétaires pour lesquels la semaine n'avait pas même de dimanche et qui, après avoir travaillé 6 jours à la solde soit des nobles, soit des bourgeois, soit même des artisans, se répandaient le 7e dans la futaie pour y glaner le bois mort ou brisé, que leur âge, ce moissonneur des forêts, pour qui les chênes sont des épis, jetait épars sur le sol sombre et humide et haute futaie, magnifique apanage du prince. Si Villers-Cotterêts, Villeri ad Gossiam Riciae, avait eu le malheur d'être une ville assez importante dans l'histoire pour que les archéologues s'en occupassent et suivissent ces passages successifs du village au bourg et du bourg à la ville, dernier passage qu'on lui conteste, comme nous l'avons dit, ils eussent bien certainement consigné ce fait que ce village avait commencé par être un double rang de maisons bâties aux 2 côtés de la route de Paris à Soissons. Puis, ils eussent ajouté que peu à peu sa situation à la lisière d'une belle forêt ayant amené un surcroît d'habitants, d'autres rues se joignirent à la première, divergentes comme les rayons d'une étoile, étendant vers les autres petits pays avec lesquels il était important de conserver des communications et convergente vers un point qui devient tout naturellement le centre, c'est-à-dire ce que l'on appelle en province la place, place autour de laquelle se bâtirent les plus belles maisons du village de Venubourg, et au centre de laquelle s'élève une fontaine décorée aujourd'hui d'un quadruple cadran. Enfin, ils eussent fixé la date certaine où près de la modeste église, premier besoin des peuples, pointèrent les premières assises de ce vaste château, dernier caprice d'un roi. Château qui, après avoir été, comme nous l'avons déjà dit, tour à tour résidence royale et résidence princière, est devenu de nos jours un triste et hideux dépôt de mendicité relevant de la préfecture de la Seine. Mais à l'époque où commence cette histoire, les choses royales, quoique déjà bien chancelantes, n'en étaient pas encore tombées. Cependant, au point où elles sont tombées aujourd'hui, le château n'était déjà plus habité par un prince, il est vrai, mais il n'était pas encore habité par des mendiants. Il était tout bonnement vide, n'ayant pour tout locataire que les commensaux indispensables à son entretien, parmi lesquels on remarquait le concierge, le pommier et le chapelain. Aussi, toutes les fenêtres de l'immense édifice donnant les unes sur le parc, les autres sur une seconde place, qu'on appelait aristocratiquement la place du château, étaient-elles fermées, ce qui ajoutait encore à la tristesse et à la solitude de cette place, à l'une des extrémités de laquelle s'élevait une petite maison dont le lecteur nous permettra, je l'espère, de lui dire quelques mots. C'était une petite maison dont on ne voyait, pour ainsi dire, que le dos. Mais, comme chez certaines personnes, ce dos avait le privilège d'être la partie la plus avantageuse de son individualité. En effet, la façade qui s'ouvrait sur la rue de Soissons, une des principales de la ville, par une porte gauchement cintrée et maussadement close 18 heures sur 24, se présentait gaie et riante du côté opposé. C'est que du côté opposé régnait un jardin, au-dessus des murs duquel on voyait pointer la cime des cerisiers, des pommiers et des pruniers, tandis que de chaque côté d'une petite porte, donnant sortie sur la place et entrée au jardin, s'élevaient deux acacias séculaires qui, au printemps, semblaient allonger leurs bras au-dessus du mur pour joncher, dans toute la circonférence de leur feuillage, le sol de leurs fleurs parfumées. Cette maison était celle du chapelain du château, lequel, en même temps qu'il desservait l'église seigneuriale, où malgré l'absence du maître on disait la messe tous les dimanches, tenait encore une petite pension à laquelle, par une faveur toute spéciale, étaient attachées deux bourses, l'une pour le collège du Plessis, l'autre pour le séminaire de Soissons. Il va sans dire que c'était la famille d'Orléans qui faisait les frais de ces deux bourses, fondées, celle du séminaire par le fils du régent, celle du collège par le père du prince, et que ces deux bourses étaient l'objet de l'ambition des parents, et faisaient le désespoir des élèves, pour lesquels elle était une source de composition extraordinaire, composition qui avait lieu les jeudis de chaque semaine. Or, un jeudi du mois de juillet 1789, jour assez maussade, assombri qu'il était par un orage qui courait de l'ouest à l'est, et sous le vent duquel les deux magnifiques acacias dont nous avons déjà parlé, perdant déjà la virginité de leur robe printanière, laissaient échapper quelques petites feuilles jaunies par les premières chaleurs de l'été. Après un silence assez long, interrompu seulement par le froissement de ces feuilles qui s'entrechoquaient en tournoyant sur le sol battu de la place, et par le chant d'un friquet qui poursuivait les mouches rasant la terre, 11 heures sonnèrent au clocher pointu et ardoisé de la ville. Aussitôt, un hurrah pareil à celui que pousserait un régiment de Uhlans tout entier, accompagné d'un retentissement semblable à celui que l'avalanche fait entendre en bondissant de rocher en rocher, retentit. La porte placée entre les deux acacias s'ouvrit, ou plutôt s'effondra, et de l'un passage, un torrent d'enfants qui se répandit sur la place, où presque aussitôt, 5 ou 6 groupes joyeux et bruyants se formèrent, les uns autour d'un cercle destiné à retenir les toupies prisonnières, les autres devant un jeu de marelles tracé à la craie blanche, les autres enfin en face de plusieurs trous creusés régulièrement et dans lesquels la balle en s'arrêtant faisait gagner ou perdre ceux par lesquels la balle avait été poussée. En même temps que les écoliers joueurs décorés par les voisins dont les rares fenêtres donnaient sur cette place du nom de mauvais sujet, et qui étaient généralement vêtus de culottes trouées aux genoux et de vestes percées aux coudes, s'arrêtaient sur la place, on voyait ceux qu'on appelait les écoliers raisonnables, ceux qui, au dire des commères, devaient faire la joie et l'orgueil de leurs parents, se détachait de la masse et, par diverses routes, d'un pas dont la lenteur dénonçait le regret, regagnaient, leur panier à la main, la maison paternelle où les attendait la tartine de beurre ou de confiture, destinée à faire compensation aux jeux desquels ils venaient de renoncer. Ceux-là étaient de leur côté vêtus généralement de vestes en assez bon état et de culottes à peu près irréprochables. Ce qu'ils rendaient avec leur sagesse toute vantée des objets de dérision ou même de haine pour leurs compagnons moins bien vêtus et surtout moins bien disciplinés qu'eux. Outre ces deux classes, que nous avons indiquées sous le nom d'écoliers joueurs et d'écoliers raisonnables, il en existait une troisième, que nous désignerons sous le nom d'écoliers paresseux, laquelle ne sortait presque jamais avec les autres, soit pour jouer sur la place du château, soit pour entrer dans la maison paternelle, attendu que cette classe infortunée demeurait presque constamment en retenue. Ce qui veut dire que tandis que leurs compagnons, après avoir fait leur version et leur thème, jouaient la toupie ou mangeaient des tartines, ils restaient cloués à leur banc ou devant leur pupitre pour faire, pendant les récréations, les thèmes et les versions qu'ils n'avaient pas fait pendant la classe, quand toutefois la gravité de leur faute n'ajoutait pas la retenue, la punition suprême du fouet, des férules ou du martinet. Si bien que si l'on eût suivi pour entrer dans la classe le chemin que les écoliers venaient de suivre en sens inverse pour en sortir, on eût, après avoir longé une ruelle, qui passait prudemment près du jardin fruitier et qui ensuite donnait dans une grande cour servant aux récréations intérieures, on eût, disons-nous, en entrant dans cette cour, pu entendre une voix forte et pesamment accentuée retentir en haut d'un escalier, tandis qu'un écolier, que notre impartialité d'historien nous force à ranger dans la troisième classe, c'est-à-dire dans la classe des paresseux, descendait précipitamment les marches en faisant le mouvement d'épaule que les ânes emploient pour jeter bas leurs cavaliers et les écoliers qui viennent de recevoir un coup de martinet pour secouer la douleur. « Ah, mécréant, ah, petit excommunié !» disait la voix. « Ah, serpenteau, retire-toi, va-t'en, bade, bade !»« Souviens-toi que j'étais patient 3 ans, mais qu'il y a des drôles qui lasseraient la patience du Père éternel lui-même. Aujourd'hui, c'est fini, et bien fini. Prends tes écureuils, prends tes grenouilles, prends tes lézards, prends tes vers à soie, prends tes hannetons et va-t'en chez ta tante, va-t'en chez ton oncle, si tu en as un, au diable où tu voudras. Enfin, pourvu que je ne te revoie pas, vade, vade. » « Oh, mon bon monsieur Fortier, pardonnez-moi, » répondait dans l'escalier toujours une autre voix suppliante. « Est-ce donc la peine de vous mettre dans une pareille colère pour un pauvre petit barbarisme et quelques solécismes, comme vous appelez cela ? 3 barbarismes et 7 solécismes dans un thème de 25 lignes ?» répondit en se renflant encore la voix courroucée. « C'était comme cela aujourd'hui, monsieur l'abbé. J'en conviens. Le jeudi est mon jour de malheur à moi. Mais si demain, par hasard, mon thème était bon, est-ce que vous ne me pardonnerez pas ma mauvaise chance d'aujourd'hui ? Dites, monsieur l'abbé. Voilà 3 ans que tous les jours de composition tu me répètes la même chose, fainéant. Et l'examen est fixé au 1er novembre, et moi qui, à la prière de ta tante Angélique, ai eu la faiblesse de te porter comme candidat à la bourse vacante en ce moment au séminaire de Soissons, j'aurai la honte de voir refuser mon élève et d'entendre proclamer partout « Ange Pitou est un âne, Angelus Pitovius asinus est !» Hâtons-nous de dire, afin que tout d'abord le bienveillant lecteur lui porte tout l'intérêt qu'il mérite, qu'Ange Pitou, dont l'abbé Fortier venait de latiniser si pittoresquement le nom, est le héros de cette histoire. « Oh, mon bon monsieur Fortier, oh mon cher maître !» répondait l'écolier au désespoir. « Moi, ton maître, s'écria l'abbé profondément humilié de l'appellation, « Dieu merci, je ne suis pas plus ton maître que tu n'es mon élève. Je te renie, je ne te connais pas. Je voudrais ne t'avoir jamais vu. Je te défends de me nommer et même de me saluer. Rétro, malheureux, rétro !» Monsieur l'abbé, insista le malheureux Pitou, qui paraissait avoir un grave intérêt à ne pas se brouiller avec son maître. « Monsieur l'abbé, ne me retirez pas votre intérêt, je vous en supplie, pour un pauvre thème estropié. » « Ah ! » s'écria l'abbé, poussé hors de lui par cette dernière prière, et descendant les 4 premières marches, tandis que par un mouvement égal, Ange Pitou descendait les 4 dernières et commença à paraître dans la cour. « Ah, tu fais de la logique, quand tu ne peux pas faire un thème. Tu calcules les forces de ma patience quand tu ne sais pas distinguer le nominatif du régime. Monsieur l'abbé, vous avez été si bon envers moi, répliqua le faiseur de barbarisme, que vous n'aurez qu'un mot à dire à monseigneur l'évêque qui nous examine. Moi, malheureux, mentir à ma conscience? Si c'est pour faire une bonne action, monsieur l'abbé, le bon Dieu vous pardonnera. Jamais, jamais. Et puis, qui sait, les examinateurs ne sont peut-être pas plus sévères envers moi qu'ils ne l'ont été en faveur de Sébastien Gilbert, mon frère Delay, quand l'année passée, il a concouru pour la Bourse de Paris. C'en était cependant un faiseur de barbarisme, celui-là, Dieu merci, quoiqu'il n'avait que 13 ans et que moi j'en avais 17. Ah, par exemple, voilà qui est stupide, dit l'abbé en descendant le reste des marches de l'escalier, et en apparaissant à son tour, son martini à la main, tandis que Pitou maintenait prudemment entre lui et son professeur la distance première. « Oui, je dis stupide » ajouta-t-il en se croisant les bras et en regardant avec indignation son écolier. « Voilà donc le prix de mes leçons de dialectique, triple animal, et c'est ainsi que tu te souviens de cet axiome « Noti minora loqui majora bolens » mais c'est justement parce que Gilbert était plus jeune que toi qu'on a été plus indulgent envers un enfant de 14 ans qu'on ne le sera envers un grand imbécile de 18. Oui, et aussi parce qu'il est le fils de M. Honoré Gilbert, qui a 18 000 livres de rente en bonne terre, rien que sur la plaine de Pilleux, répondit piteusement le logicien. L'abbé Fortier regarda Pitou en allongeant les lèvres et en fronçant le sourcil. Ceci est moins bête, grommela-t-il après un moment de silence et d'inspection. Cependant, ceci n'est que spécieux et non fondé, species non autem corpus. Oh, si j'étais le fils d'un homme ayant 10 000 livres de rente, répéta Ange Pitou, qui avait cru s'apercevoir que sa réponse avait fait quelque impression sur son professeur. Oui, mais tu ne l'es pas. En revanche, tu es ignare, comme le drôle dont parle Juvénal. Citation profane, l'abbé se signa, mais non moins juste, Arcadius Juvenis. Je parie que tu ne sais même pas ce que veut dire Arcadius. « Parbleu, arcadien !» répondit Ange Pitou en se redressant avec la majesté de l'orgueil. « Et puis après ?»« Après quoi ?»« L'Arcadie était le pays des Roussins, et chez les anciens, comme chez nous, Asinus était le synonyme de Arcadius. »« Je n'ai pas voulu comprendre la chose ainsi, » dit Pitou, entendu qu'il était loin de ma pensée que l'austère esprit de mon digne professeur pût s'abaisser jusqu'à la satire. » L'abbé Fortier le regarda une seconde fois avec une attention non moins profonde qu'à la première. « Sur ma parole, » murmura-t-il un peu radouci par le coup d'encensoir de son disciple. « Il y a des moments où l'on jurait que le drôle est moins sot qu'il n'en a l'air. »« Allons, monsieur l'abbé, » dit Pitou, qui avait sinon entendu les paroles du professeur, mais surpris sur sa physionomie l'expression du retour à la miséricorde. « Pardonnez-moi, vous verrez quel beau thème je ferai demain. »« Eh bien, j'y consens, » dit l'abbé, en passant signe de trêve son martinet dans sa ceinture, et en s'approchant de Pitou, qui, moyennant cette démonstration pacifique, consentit à demeurer à sa place. « Oh, merci, merci !» s'écria l'écolier. « Attends donc, et ne me remercie pas si vite. Oui, je te pardonne, mais à une condition. » Pitou baissa la tête, et comme il était à la discrétion du digne abbé, il attendit avec résignation. « C'est que tu répondras sans faute à une question que je te ferai. »« En latin ?» demanda Pitou avec inquiétude. « Latine !» répondit le professeur. Pitou poussa un profond soupir. Puis il y eut un moment d'intervalle, pendant lequel les cris joyeux des écoliers qui jouaient sur la place du château parvinrent jusqu'aux oreilles d'Ange Pitou. Il poussa un second soupir plus profond que le premier. « Quid virtus ? Quid religio ?» demanda l'abbé. Ces mots, prononcés avec l'aplomb du pédagogue, retentirent aux oreilles du pauvre Pitou comme la fanfare de l'ange du jugement dernier. Un nuage passa sur ses yeux, et un tel effort se fit dans son intellect qu'il comprit un instant la possibilité de devenir fou. Cependant, en vertu de ce travail cérébral, qui, si violent qu'il était, n'amenait aucun résultat, la réponse demandée se faisait indéfiniment attendre. On entendit alors le bruit prolongé d'une prise de tabac que humait lentement le terrible interrogateur. Pitou vit bien qu'il fallait en finir. « Nescio, » dit-il, espérant qu'il se ferait pardonner son ignorance en avouant cette ignorance en latin. « Tu ne sais pas ce que c'est que la vertu ?» s'écria l'abbé suffoquant de colère. « Tu ne sais pas ce que c'est que la religion ? Je le sais bien en français, répliqua Ange, mais je ne le sais pas en latin. Alors va-t'en en Arcadie, Jovenis. Tout est fini entre nous, cancre. Pitou était si accablé qu'il ne fit pas un pas pour fuir, quoique l'abbé Fortier eût tiré son martinet de sa ceinture, avec autant de dignité qu'au moment du combat un général d'armée eût tiré son épée du fourreau. Mais que deviendrai-je? Demanda le pauvre enfant en laissant pendre à ses côtés ses deux bras inertes. Que deviendrai-je si je perds l'espoir d'entrer au séminaire? Deviens ce que tu pourras, cela m'est par Dieu bien égal. Le bon abbé était si courroucé qu'il jurait presque. Mais vous ne savez donc pas que ma tante me croit déjà abbé? Eh bien, elle saura que tu n'es pas même bon à faire un sacristain. Mais, monsieur Fortier, je te dis de partir, limina lingue. Allons, dit Pitou, comme un homme qui prend une résolution douloureuse, mais enfin qui la prend. Voulez-vous me laisser prendre mon pupitre? Demanda Pitou, espérant que pendant ce moment de répit qui lui serait donné, le cœur de l'abbé Fortier reviendrait à des sentiments plus miséricordieux. Je le crois bien, dit celui-ci, ton pupitre et tout ce qu'il renferme. Pitou remonta piteusement l'escalier, car la classe était au premier. Il entra dans la chambre où, réunis autour d'une grande table, faisait semblant de travailler une quarantaine d'écoliers, souleva avec précaution la couverture de son pupitre pour voir si tous les autres qu'il contenait étaient bien au complet, et l'enlevant avec un soin qui prouvait toute sa sollicitude pour ses élèves, il reprit d'un pas lent et mesuré le chemin du corridor. Au haut de l'escalier était l'abbé Fortier, le bras tendu, montrant l'escalier du bout de son martinet. Il fallait passer sous les fourches codines. Ange Pitou se fit aussi humble et aussi petit qu'il se put faire, ce qui n'empêcha point qu'il ne reçut au passage une dernière sanglée de l'instrument auquel l'abbé Fortier avait dû ses meilleurs élèves et dont l'emploi, quoique plus fréquent et plus prolongé sur Ange Pitou que sur aucun autre, avait eu, comme on le voit, un si médiocre résultat. Tandis qu'Ange Pitou, en essuyant une dernière larme, s'achemine son pupitre sur la tête vers le Pleu, quartier de la ville où demeure sa tante, disons quelques mots de son physique et de ses antécédents.